Bonjour à tous, c'est Papy José, bienvenue pour ma nouvelle émission de Il y a des choses à dire, consacrée à l'handicap visuel vu autrement. Chers auditeurs, bonjour. Nouvelle émission de Il y a des choses à dire. Nous allons continuer l'émission précédente qui était consacrée aux chiens guides de l'Est à Voipy. Souvenez-vous, on avait parlé de l'éducation des chiens guides, avec un éducateur de chiens, Dominique, et une famille d'accueil qui était représentée par Renaud. Aujourd'hui, nous allons parler de la locomotion. Comment apprendre à travailler avec son chien guide. Et nous verrons en fin d'émission les cannes électroniques. Pour ce faire, à mes côtés, j'ai deux invités, Catherine, éducatrice en locomotion, et Elisabeth, qui est en formation pour apprendre à justement apprendre à vivre avec son chien guide qu'elle va obtenir bientôt. Elles vont se présenter, donc Catherine, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour. Catherine, je travaille à l'association des chiens guides depuis 2009 à peu près, exactement. Et je suis donc instructrice de locomotion et mon rôle, c'est dans un premier temps d'évaluer les personnes qui font leurs demandes et dans un second temps de s'ils ont besoin d'une remise à niveau pour savoir se déplacer seul dans la rue. Je peux intervenir pour faire cette remise à niveau-là, leur apprendre les techniques de compensation. D'accord, on va développer tout ça tout à l'heure. Elisabeth, vous êtes une élève. Voilà, je suis une élève de Catherine. On a commencé à travailler la locomotion en novembre 2024 jusqu'à mars 2025 et on travaillera ensuite la locomotion avec un chien qui est différente. Bien. Catherine, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la locomotion? Vous venez un peu d'en parler, mais j'aimerais bien avoir une définition détaillée de la locomotion. La locomotion, c'est l'apprentissage des techniques de compensation du handicap visuel pour apprendre à se déplacer en autonomie et en sécurité dans la rue. Donc ça passe par des techniques, pour les personnes qui ont encore un peu de vision, d'optimisation du potentiel visuel. Et en complément, on apprend à utiliser la canne blanche pour se sécuriser par rapport aux obstacles. Autrement dit, quelqu'un est malvoyant ou surtout non-voyant, est-ce qu'il peut venir dès le départ vous voir pour apprendre à utiliser la canne blanche? Ou vous êtes plutôt quelqu'un, et c'est ce que j'ai cru comprendre, qui fait la locomotion pour la canne électronique ou le chien guide? Voilà. À l'origine, idéalement, les personnes sont d'abord allées en centre de rééducation pour apprendre ces techniques. Nous, on intervient plutôt après pour les transposer à domicile ou pour apprendre à les utiliser justement en vue de l'obtention du chien. D'accord. Elisabeth, vous avez fait l'éducation canne blanche avant justement de travailler avec Catherine, c'est ça? Oui, j'étais à Claire Basse Vision. Et donc, j'ai appris la technique de déplacement avec une canne. Alors, pour nos auditeurs, Claire Basse Vision, c'est un organisme qui se situe à Nancy, c'est ça, hein, rue Santifontaine. Tout à fait. Et donc, vous avez fait beaucoup d'heures de cours avec eux? Moi, j'ai fait une dizaine d'heures de cours. Et puis, j'avoue qu'après, j'ai mis en œuvre, mais de façon très irrégulière. Et puis, parfois, je restais au bras de mon mari. Donc, j'ai perdu en compétences. Tout en ayant les bases, mais ça se perd. Quand on pratique de façon aléatoire, qu'on s'appuie sur les autres, c'est tout à fait contraire à l'autonomie. Et à un moment donné, on se dit qu'il faut pratiquer correctement, il faut être en sécurité. Et donc, pour avoir un chien guide, il faut maîtriser parfaitement la locomotion. Alors bon, là, je suppose que vous ne pensiez pas encore au chien guide, puisqu'on en était juste au départ, la locomotion avec sa canne. Voilà. Comment on fait pratiquement, Catherine? On vous appelle, je veux des cours, ou Elisabeth, vous avez fait comment, Claire Basse Vision? Je sais un peu comment ça se passe, hein, je sais que c'est très long avant d'avoir des rendez-vous avec eux. Comment ça s'est passé pour vous? Pour prendre rendez-vous. Est-ce que vous avez téléphoné à Claire Basse Vision ou est-ce que bah, votre ophtalmo vous a dit aller à Claire Basse Vision ou vous aviez une ordonnance? Comment ça marche pratiquement? Oh bah c'est mon employeur en fait qui m'a envoyé vers Claire Basse Vision, enfin le médecin du travail, puisque j'avais la vue qui se dégradait. Donc Claire Basse Vision, c'est vraiment un organisme spécialisé qui qualifie la déficience visuelle avec des mots très précis. Et on a conclu qu'il fallait effectivement pouvoir se déplacer avec une canne de locomotion. Donc au départ, moi, je ne pensais pas du tout aux chiens. Oui, d'accord. Voilà. Vous parliez tout à l'heure que bah, vous teniez le bras de votre mari. Catherine, oui. Ça fait partie des courses. Hein. Moi, je sais que bah, quand j'ai perdu la vue, on a appris, et moi j'apprenais à ma femme aussi, comment guider une personne. C'est-à-dire en lui tenant le bras, il y a des gestes particuliers à faire. C'est pas aussi simple que tu me tiens le bras et puis on y va, quoi. Oui, c'est ça. Hein. Le premier mode de déplacement en sécurité, ben, c'est d'être accompagné. Finalement, c'est le plus simple à apprendre aussi. Mais ça, voilà, ça, c'est basé sur des codes corporels qu'on apprend, qui sont assez intuitifs. Mais ça permet de se comprendre sans avoir à se parler sans arrêt, à se dire attention au trottoir, attention ça monte, attention ça descend. Voilà, ça permet de se déplacer à deux en binôme sans risque et en pouvant maintenir une conversation sereinement dans la rue. D'accord. Passons maintenant à l'exercice proprement dit de la locomotion. Catherine, est-ce que vous avez un programme particulier, on va dire standard pour toutes les personnes qui viennent vous voir après avoir appris, je le rappelle, la locomotion canne blanche, hein, vous êtes que pour les chiens guides ou la canne électronique. Mmh. Est-ce que vous avez un programme type ou est-ce que vous vous adaptez à la personne? On est sur une prise en charge vraiment très personnalisée. Faut savoir que les personnes qui viennent vers nous à l'association des chiens guides ont des niveaux très différents, hein, même s'ils ont eu des bases et des cours en amont, ben, chacun arrive avec son histoire et son vécu. Et on s'adapte après à chaque personne et on apporte, ben, s'il y a besoin d'un perfectionnement, on perfectionne. S'il y a besoin d'une reprise de confiance, comme ça a été pas mal le cas aussi avec Elisabeth, on a repris confiance. Et voilà, c'est un accompagnement autant technique que psychologique finalement. Et ça permet voilà, d'être plus serein et plus sécurisé à l'extérieur. Mais c'est vraiment très personnalisé. Alors quand on apprend la locomotion avec la canne, c'est bien à l'extérieur, voire à l'intérieur dans des bâtiments qu'on ne connaît pas. Mais quand on est chez soi, Catherine, est-ce que vous avez appris spécifiquement à vous déplacer chez vous? Ou est-ce que vous êtes débrouillé tout seul? Parce que c'est vrai que même chez soi, il y a toujours des obstacles. Moi, j'ai pas eu de cours de locomotion chez moi, parce que chez nous, on range toujours bien les choses. Et puis, moi, je me déplace beaucoup par habitude. Et s'il y a quelque chose dans le passage, ça peut être dramatique. Donc, c'est juste une façon de s'organiser ordonnée, qui fait que chez moi, je me sens vraiment dans une bulle et très protégée. Je n'ai pas besoin de ma canne, particulièrement chez moi. D'accord. Alors maintenant, on va parler de votre locomotion, de vos cours proprement dit. Vous avez commencé quand? En novembre, chez Claire Basse Vision en 2018 et au Chien Guide en novembre 2024. Ah, ça fait quand même pas mal d'années, entre 2018 et 2024. Pendant ces 6 ans, à quel moment vous est venue l'envie de faire différemment? Alors avoir un Chien Guide, voir une canne électronique, vous ne pouviez pas savoir, parce qu'en fait la réponse, on va en parler après, dépendons pas de vous, hein. Vous avez une envie d'avoir un chien, c'est pas dire pour autant que vous en aurez un. Tout à fait. Donc vous êtes posé la question comment, quand? Mais c'est un processus à un moment donné. La canne, c'est difficile à prendre du jour au lendemain dans son milieu de travail, parce que pour expliquer, on n'a pas tellement envie de se perdre dans les explications. Donc la canne, au départ, je la prenais que quand je connaissais pas les trajets. Et j'y allais sans et j'avançais plus. C'est-à-dire qu'à la fin, ce qui me lassait, c'était le temps de parcours qui devenait de plus en plus long. Et puis surtout, en 2024, j'étais en retraite et donc je n'utilisais plus du tout les mêmes trajets. Et je ne me suis plus du tout sentie en sécurité. Et je me suis sentie dans l'obligation de recourir à la canne pour être libre, en fait, pour être autonome, pour me déplacer partout et pour ne pas avoir des stratégies de contournement où là, je ne connais pas, donc je n'y vais pas, donc je rallonge mes trajets. Donc c'est progressif, enfin en tout cas pour mon histoire, c'est pas parce que vous sortez de Claire Basse Vision que ça y est, vous prenez votre canne pour aller travailler. C'est vraiment progressif. Et c'est aussi avoir conscience qu'on peut mettre en danger les personnes autour de soi, qu'on ne verrait pas, parce que voilà, le champ visuel n'est pas très, très large. Donc, c'est l'autonomie qui m'a guidée, en tout cas, pour me dire, je sors de chez moi quand je veux, comme je veux, avec qui je veux, et par le chemin que j'aurais décidé de prendre. D'accord. Catherine, en fait, quand Elisabeth est venue chez vous, elle n'était pas une grande spécialiste de la canne blanche, si je comprends bien. Vous n'étiez pas très à l'aise encore, Elisabeth, avec la canne. Pas tellement. J'avais un peu oublié tout depuis 2018, donc je balayais comme je pouvais. Et puis, voilà, j'utilisais pas tellement l'ouïe aussi. Enfin, pas suffisamment. Vous parliez d'une dizaine d'heures de cours. C'est des cours une heure de temps en temps, quoi. Bah, Clairvavision, c'était sur quelques semaines. Oui, voilà. En 2018. Oui, c'était étalé dans le temps. C'est là où je redonne la parole, Catherine, parce que bah, là, c'est pas du tout pareil avec vous. Est-ce que c'est parce que déjà, à voix pif, faut venir. C'est ça, donc, on fait pas une heure de canne. Alors, dans le cadre du chien guide, on peut soit faire des exercices, si c'est pour de l'apprentissage, vraiment, on peut vous demander de venir sur place. Si c'est pour apprendre des nouveaux parcours, prendre des repères ou prendre confiance dans votre quartier, là, on vient à domicile, par contre. Donc, ça, on peut avoir les deux versants, les deux options pour intervenir. Après, je me permets de rebondir sur ce que disait Elisabeth tout à l'heure. Il y a la période d'apprentissage et après, il y a ce qu'on en fait, finalement. Et nous, souvent, on intervient à cette étape-là. Apprendre les techniques dans un endroit, c'est une chose, mais les utiliser à domicile, souvent, c'est un peu différent. C'est oser sortir dans son quartier, se montrer aux gens qu'on connaît. Utiliser une canne blanche, c'est parfois, ben voilà, il y a quelques réticences à se montrer avec. Il faut l'acceptation. Voilà, il y a une période d'acceptation qui n'est pas facile à faire. Pour les personnes malvoyantes, bah, y a le côté je vois un petit peu, du coup, y a des gens qui me disent que je fais semblant parce qu'il y a des situations où on voit bien que j'ai évité un obstacle avant de le toucher. Enfin, voilà. Donc il y a tout ce cheminement-là qui est important à bien accompagner et qui fait partie du processus qu'a très bien décrit. Et souvent, les malvoyants qui. Oui, voilà, c'est un peu. On n'a pas envie de se montrer handicapé. Mm-hmm. Souvent. Bah déjà, pour ça, on prend la canne jaune. Oui. C'est ce que j'ai fait, moi. J'ai pris la canne jaune au départ. Souvent, ça, c'est une première étape. Tout le monde ne la connaît pas, cette canne, mais ça aide des fois à franchir le cap de prendre cette canne. La canne jaune, c'est beaucoup développé plutôt en Belgique, mais en France, il y en a quelques-unes. La canne blanche, typiquement, dans l'imaginaire, enfin, dans la représentation des gens, c'est une personne qui ne voit pas, qui est aveugle. La canne jaune, c'est plutôt une personne qui est malvoyante, donc qui a encore un peu de perception. Et du coup, voilà, ça permet de sortir en se disant ben, « je fais pas semblant, on va pas me dire que je fais semblant parce que j'ai une canne blanche », mais ça permet quand même de se sécuriser en termes de détection d'obstacles, de rebords de trottoir, de choses comme ça. Alors Elisabeth, vous arrivez bientôt au terme de votre formation, je suppose ? Oui. Dans combien de temps ? Oh non, je ne peux pas dire précisément. Catherine. On terminera vraiment la formation quand on aura le chien en vue. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le bon chien pour Elisabeth, mais quand il sera décidé du chien qu'on pourra lui attribuer, on se verra une dernière, enfin plusieurs fois. Mais là, vous avez parlé le bon chien, on va en parler tout à l'heure. Ce que moi, j'ai bien retenu de tout ça, c'est que ce qui est important, c'est de bien savoir analyser son environnement. Pour se déplacer avec une canne, que ça soit avec les oreilles, mais également avec le toucher, voire même avec son nez, sentir ce qui se passe autour de soi. Ouais. Nous allons faire une petite pause musicale. Alors, on va passer une chanson que j'ai écrite qui s'appelle « Faut que j'avance ». C'est un extrait d'un album que j'ai publié qui s'appelle « Plein soleil dans la nuit », qui parle justement... avec un peu d'humour, en tout cas je l'espère, qui parle de comment un non-voyant ou un malvoyant doit utiliser les autres sens que la vue. La lumière est éteinte ! suffit. Avec le bout de mes doigts, je peux lire ou deviner. Avec le toucher, je me débrouille. Je vois ce que c'est. Je touche, j'écoute, je respire, j'en salive. J'ai les quatre sens, en fait, ça me motive. Sonore, à l'affût du moindre bruit ici ou dehors. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, tel un détective, j'enquête, oui, j'analyse le son en stéréo, je le devine. Je touche, j'écoute, je respire, j'en salive, j'ai les quatre sens en fait. Les odeurs se font sentir, c'est olfactif. Oh, oh, oh, oh, oh, la proximité d'un bon resto, je le sens bien. Super les papilles qui frétillent. J'ai faim. Je vis et apprends autrement, sans stress, ni souris, ni écran. Il me reste encore c'est toute ma tête. J'ai donc quoi faire si je suis pas trop bête. Touche, j'écoute, je respire, j'en salive. J'ai les quatre sens, en fait, ça me motive. Ça me motive. Même dans le noir, faut que j'avance. Ma canne danse en cadence. Oui, faut que j'avance. Bien, nous revoici avec Catherine et Elisabeth. On parlait des chiens guides tout à l'heure. Catherine, je suppose que quand Elisabeth vous a contacté ou contacté l'association en souhaitant un chien guide, vous n'avez pas dit « Oh bah oui, tout de suite, je voulais avoir un chien guide ». Comment ça s'est passé déjà ? Oui, il y a plusieurs étapes à franchir avant qu'on dise « oui, définitivement pour le chien ». Il y a un premier contact, en effet. Ensuite, on va rendre visite à la personne à son domicile, on voit un peu son environnement et ensuite elle vient faire un stage d'évaluation et de test du chien pour savoir si ça correspond à ce qu'elle en attend aussi, savoir un petit peu ce que c'est qu'un chien guide. Et à la fin de ce stage-là, on décide si oui ou non on va vers le chien guide. Si c'est oui, ben tant mieux, on est sur la liste d'attente. Et si c'est non, c'est qu'il y a un petit peu de travail à faire avant, soit en locomotion, comme on en a parlé juste avant, soit avec le chien, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise ou qu'il y a des petites choses à améliorer avant qu'on puisse aller sur le chien guide. Donc voilà, il y a des étapes avant de pouvoir accepter définitivement. Donc, Elisabeth, vous avez eu la chance d'être retenue pour avoir un chien guide. Vous avez déjà travaillé avec un chien guide avant de l'obtenir. Comment ça s'est passé ? Vous avez fait connaissance avec le chien ? Comment ça s'est passé ? Mais c'était un chien qui était en cours de formation. Et on a été... Bon, déjà, on a fait connaissance. Et puis ensuite, avec son éducateur, on est parti en déplacement quelques heures. Et donc, c'est là qu'on peut toucher du doigt la réalité d'être guidé par un chien et d'être deux, finalement. D'être une équipe pour s'occuper, entre guillemets, du problème de déplacement. Et donc déjà, par le travail de locomotion avec la canne, j'étais déjà beaucoup moins focus sur le sol. Donc, en fait, on est... comment dire, tiré, enfin, un petit peu guidé par un être vivant qui a été instruit pour ça, et c'est déjà un grand plaisir d'être deux, de faire ce binôme. Et si vous n'avez plus la canne, vous n'avez que le chien. Que le chien. D'accord. Que le chien, oui. Et une étape où il faut apprendre à lui faire confiance. Est-ce qu'il y a des ordres particuliers, parce que le chien ne fait pas ce qu'il veut, vous voulez d'un endroit A à un endroit B, bon, soit vous avez le GPS, vous dites tourne à gauche, à droite. Catherine et puis Elisabeth, les ordres qu'on donne aux chiens, il y a des ordres précis où il comprendra malgré tout en fonction de ce que vous dites? Alors dans l'absolu, la personne va connaître ses trajets ou comme vous dites, elle va utiliser son GPS pour savoir où aller. Le chien, lui, va répondre vraiment aux ordres, c'est-à-dire c'est un peu comme une voiture téléguidée avec une télécommande. Hein. Il y a un pilote et puis le chien, il exécute finalement ce qu'on lui demande. Alors les ordres, c'est des gestes ou c'est des paroles? Ça va être surtout des paroles. On va lui demander d'aller devant, à droite, à gauche, et de trouver, on appelle ça des cibles, hein, on va lui demander de trouver des passages piétons, trouver une porte, trouver... Il y a des choses qu'il va pouvoir trouver. Donc il y a des mots qu'il connaît, porte, voilà. Passage piéton, siège aussi, trouver oui. Un banc, ou je sais pas. Une place libre dans le bus, ou voilà, des choses comme ça. Alors vous disiez tout à l'heure que Elisabeth n'avait pas encore son chien guide attitré. Mm-hmm. Et vous dites, il faut attendre pour savoir quel chien on va lui donner. Comment ça se passe pratiquement? Pourquoi vous dites ça? Il n'y a pas de chien disponible en ce moment? Alors, il y en a, mais on a beaucoup de demandes et pas beaucoup de chiens pour le moment. Donc, l'idée, c'est que les éducateurs connaissent leurs chiens. Nous, on fait les stages pour connaître les personnes et on va essayer de faire le meilleur binôme possible en fonction des contraintes de chacun. Par exemple, on prend en compte la vitesse de marche, le cadre de vie. S'ils ont des enfants en bas âge dans leur entourage, quelqu'un qui travaille, il va falloir un chien qui sache aussi se poser, rester tranquille pendant plusieurs heures pendant que la personne est au bureau, par exemple. Voilà, on a plusieurs critères à faire coïncider avant de créer ce binôme qu'on espère qui dure le plus longtemps possible. Combien de temps pour avoir un chien? Aujourd'hui, on est à environ 2 ans d'attente. Entre le moment où on reçoit la demande et le moment où on peut servir la personne. Donc dans les 2 ans d'attente, donc Elisabeth a déposé sa demande en 2024, hein, si j'ai bien compris. Oui. Donc ensuite, il y a la formation qui dure tout le temps qu'on attend le chien, en fait. C'est ça. Ce temps d'attente, finalement, il n'est pas inutile. Il permet de continuer de se perfectionner, de continuer de développer ses trajets et de continuer de prendre en confiance et de... Voilà, ça permet de commencer aussi à se projeter une fois qu'on a fait le stage et qu'on sait ce qu'on va pouvoir faire avec le chien. Voilà, ça permet de mieux aboutir le projet avant l'arrivée du chien. D'accord. Je suppose, Elisabeth, que c'est un moment que vous attendez avec impatience. Avec une grande impatience. Et c'était, le chien guide, c'est tout ce que j'aurais souhaité, je pense, depuis le départ. Mais quand j'étais encore en activité, je trouvais que c'était... que j'aurais pas eu suffisamment de temps à lui consacrer en dehors de son travail, puisque moi j'étais déjà très prise par mon travail à moi, et mon énergie allait dans le travail, et je me disais que déléguer le jeu du chien ou la sortie du chien à quelqu'un d'autre, c'était pas honnête, et que je préférais attendre d'être en retraite pour pouvoir partager tous les moments de la vie quotidienne avec un chien guide. Alors pour terminer cette partie, je voudrais juste savoir, le chien, quand il sera connu, il y a un certain temps d'adaptation. Oui. Alors, on travaille un petit peu en amont, avant son arrivée. On travaille sur le changement de repère, déjà, sur le fait que les gens lâchent leur canne pour passer au chien. Donc, on n'a plus des contacts tactiles au sol. Donc, on prépare au mieux avant pour que la période de remise se passe le mieux possible. Et une remise de chien guide, ça se passe sur 15 jours. Une semaine à l'association, une semaine au domicile de la personne. Et ensuite, il y a des suivis réguliers tous les 1 mois, 3 mois, 6 mois, et où on s'assure que tout fonctionne toujours bien avec le temps qui passe. En attendant, Elisabeth, bonne chance pour ce futur compagnon. Merci. Nous allons maintenant parler des cannes électroniques, et en particulier la Tumpus, que l'on obtient grâce à l'association des chiens guides de l'Est de Wapi. Et en plus, elle est gratuite. Oui, chers auditeurs, vous avez bien compris, elle est gratuite. Canne électronique, ça coûte 1 500 €. Hein. Là, elle est gratuite grâce à des dons. J'ai préparé un petit clip audio qui vous explique un peu ce qu'est une canne électronique. Ok, allons-y pour une exploration au croisement de la technologie et de l'autonomie. La canne blanche, bon, c'est un symbole fort, on la connaît. Mais aujourd'hui, on va regarder de plus près ces évolutions électroniques. On va essayer de décortiquer un peu comment ça marche, ces cannes, ultrasons, lasers, infrarouges, mais surtout comprendre pourquoi, pour que ça marche vraiment, l'apprentissage humain est crucial. On s'appuie pour ça sur pas mal de sources, des infos d'associations comme Chien Guide, l'AVH, des sites plus techniques comme CESIA, des recherches aussi. Le but, c'est de voir comment ces outils peuvent vraiment aider pour la mobilité. Oui, ce qui est intéressant, je trouve, c'est justement cette interaction entre l'outil, la technologie et puis la compétence humaine derrière. Parce que ces cannes, attention, ce n'est pas une baguette magique. Ah non, clairement pas. S'intègrent dans des techniques de déplacement qui, elles, restent fondamentales. L'objectif, c'est d'améliorer la sécurité, l'aisance des déplacements pour les personnes déficientes visuelles, bien sûr, mais la façon d'y arriver est plus subtile qu'on pourrait le croire. Alors justement, concrètement, qu'est-ce qu'elles apportent de plus, ces cannes électroniques, par rapport à la canne blanche, classique ? On sait bien que la canne tradi, elle est irremplaçable pour sentir le sol, les trottoirs, les trous. Tout à fait. Ça reste la base. Alors, l'électronique, elle sert à quoi ? Eh bien, elle intervient surtout pour détecter ce que la canne classique, par nature, ne peut pas atteindre. Typiquement, les obstacles en hauteur. Une branche un peu basse, un store de magasin. Ah oui, les trucs où on peut se cogner la tête. Exactement. Ou des éléments plus loin devant. Ça donne une sorte de perception étendue, quoi. Vers l'amont et vers le haut. Et pour ça, différentes technologies sont utilisées. Les ultrasons, par exemple, sur des modèles comme le mini-guide, le Tumpus. Ça émet des ondes, ça analyse l'écho. Un peu comme une chauve-souris, hein. C'est un peu l'idée, oui. Il y a aussi le laser, comme sur le télétact, qui mesure la distance avec un faisceau lumineux, ou encore l'infrarouge. Et l'information, elle arrive comment à la personne ? J'imagine qu'il n'y a pas un petit écran dessus. Non, bien sûr que non. Le retour se fait de manière non visuelle. Le plus souvent, c'est par des vibrations, dans le manche de la canne. L'intensité ou la fréquence, ça peut varier pour indiquer la proximité de l'obstacle. D'accord. Ou alors, parfois, ce sont des signaux sonores très discrets via une petite oreillette. L'avantage principal, c'est vraiment ça. Pouvoir anticiper des obstacles qui sont hors du champ de la canne au sol. Ça peut vraiment réduire l'appréhension dans certains lieux, c'est certain. Oui, ça apporte une sécurité supplémentaire. Mais on sent bien que ça ne doit pas être si simple. Recevoir une vibration, ok. Mais savoir ce que ça veut dire et quoi faire, c'est une autre paire de manches, non ? Quelles sont les limites ? Vous mettez le doigt dessus. C'est le point crucial. Ces appareils, ils donnent une information brute. Un signal. Obstacle détecté. Mais l'interprétation... C'est là que ça se corse. Exactement. Est-ce que c'est un mur ? Une personne qui arrive ? Un poteau tout fin ? La canne ne le dit pas toujours si clairement. Et puis il y a les contraintes techniques. Faut penser à recharger les batteries. Le coût n'est pas négligeable non plus. Oui, c'est un investissement. Et surtout, ça ne remplace jamais les techniques de base de la canne blanche. Jamais. On ne peut pas se fier qu'à l'électronique. La base, ça reste la détection au sol, l'analyse de l'environnement sonore aussi. C'est donc là que l'accompagnement humain devient absolument nécessaire. On entend parler des instructeurs, des instructrices en locomotion. Leur rôle, ça va bien au-delà d'expliquer sur quel bouton appuyer, j'imagine. Ah, mais complètement. L'instructeur en locomotion, c'est vraiment la clé de voûte pour que la technologie soit un vrai plus pour l'autonomie et pas juste une source de confusion ou, pire, de fausse sécurité. Comment ça se passe alors ? Ça commence par une évaluation très fine des besoins de la personne, de ses capacités, de son environnement de vie aussi. C'est très personnalisé. Ensuite, bien sûr, il y a l'apprentissage technique. D'abord, bien maîtriser la canne blanche classique, on y revient toujours, c'est fondamental. Et ensuite, intégrer l'usage de LED électronique. Comment tenir la canne, comment interpréter les signaux. Mais ce n'est pas que de la technique, si je comprends bien. Non, bien au-delà. L'instructeur travaille beaucoup sur le développement des autres sens. L'ouïe, le toucher, l'orientation dans l'espace, comment on construit une carte mentale d'un lieu, la planification d'itinéraire. Il aide à mettre en contexte toutes les informations sensorielles, y compris celles de la canne électronique. Et puis, il y a tout l'aspect psychologique qui est énorme. La confiance en soi. Exactement. Regagner confiance en soi, apprendre à gérer le stress qu'on peut ressentir en se déplaçant, oser sortir, oser explorer de nouveaux endroits. Pour beaucoup de personnes, c'est une vraie reconstruction de leur rapport à l'espace, à la mobilité. L'instructeur accompagne vraiment cette transformation. D'accord, je vois. On comprend mieux pourquoi la technologie seule, finalement, ne suffit pas du tout. Sans cet apprentissage, sans cet accompagnement humain et personnalisé, l'outil, même le plus perfectionné, risque de rester au placard ou d'être mal utilisé. C'est ça. L'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment l'interaction qui fonctionne, la synergie. La canne électronique amène une info en plus, l'instructeur apprend à l'intégrer intelligemment, de façon sécurisée, dans une stratégie globale de déplacement. Donc, pour résumer, les cannes électroniques, oui, c'est une avancée intéressante. Ça élargit le champ de perception. Mais leur vrai potentiel, il se libère seulement avec un apprentissage structuré, un accompagnement humain qualifié. Tout à fait. Et ça nous amène d'ailleurs à une réflexion importante, je pense. La technologie, elle continue d'évoluer, c'est très bien. Mais comment on s'assure que l'accès à cette formation humaine, qui est essentielle, suive le rythme ? Oui, bonne question. Garantir que cet accompagnement soit disponible, qu'il soit financé, c'est sans doute aussi crucial que l'innovation technique elle-même, pour une autonomie qui soit réelle et puis équitable pour tous. Une question fondamentale, en effet, pour que le progrès technique se traduise vraiment en progrès humain. Voilà qui conclut notre exploration d'aujourd'hui. Bien. Vous voyez donc qu'il est très important d'avoir des cours de locomotion, même avec une canne électronique. Alors ce clip audio, je l'ai fait à partir de documentations qui viennent de tous les organismes spécialisés, AVH, CESIA, etc. Alors il est vrai qu'on parle très peu de la Tompousse, sans doute parce qu'elle est gratuite, et notamment une des informations qui était donnée dans ce clip n'est pas la bonne, parce qu'en fait la CAM, la Tompousse, utilise des rayons laser. Mais je vais laisser la parole à Catherine qui va nous expliquer ce qu'est cette canne Tompousse. Oui. Puisque c'est elle qui forme en locomotion pour cette canne. Oui, alors la Tompousse, c'est un modèle qui fonctionne effectivement avec des faisceaux laser et infrarouges qui permettent de compenser les défauts de l'un par l'autre, de détecter un maximum d'obstacles volumineux ou fins. Et le retour d'information se fait donc par vibration avec un vibreur qu'on fixe sur la canne. L'intérêt, c'est qu'on fixe le boîtier sur une canne, sur sa propre canne classique, sur la canne de la personne, donc celle qu'elle utilise tous les jours, et on va pouvoir détecter des distances différentes. On peut sélectionner la distance à laquelle on veut détecter l'obstacle. On peut avoir des distances très courtes pour des endroits très encombrés, par exemple, ou on peut aller jusqu'à des distances très longues, jusqu'à 6-10 mètres. Pour des endroits très dégagés, des places, des pistes cyclables, des choses comme ça, ce qui permet de gagner en anticipation et on peut avoir une vitesse de marche beaucoup plus soutenue dès qu'on a plus d'anticipation de détection. Alors c'est vrai que cette carne a le mérite d'être très très précise. Par contre, il était précisé dans le clip audio qu'on utilisait beaucoup les cannes électroniques aussi pour les obstacles en hauteur. Qu'en pensez-vous, Catherine ? Alors, c'est une possibilité. Après, aujourd'hui, elles sont quand même... C'est pas leur point fort. Il y a certains obstacles qui peuvent être détectés en hauteur, mais clairement, c'est pas encore ce qu'il y a de plus efficace. Quel que soit le type de canne. La détection la plus efficace aujourd'hui, ça reste la détection vers l'avant, qui est la plus fiable. Je crois savoir, Elisabeth, que vous avez testé une canne électronique, la Rango, pour ne pas la nommer, mais peu importe le nom. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme conclusion ? Sur la canne Rango, je l'ai testée une dizaine de minutes. Mais c'est que, en fait, c'est une canne qui bipe à l'approche d'obstacles et une canne qui peut donner le trajet si on a un endroit à rejoindre, donc qui guide aussi. Donc c'est aussi un boîtier qui se fixe sur sa canne habituelle et qui donne beaucoup d'informations audio par un casque qui n'est plus dans les oreilles mais qui est juste au-dessus. Donc, qui ne prive pas des bruits de la rue, mais qui donne tellement d'informations que ça peut être perturbant pour savoir si on peut traverser ou pas traverser. On n'est plus jamais dans le silence. Donc, c'est beaucoup d'informations audio. C'est ainsi qu'elle fonctionne. On peut rejoindre un arrêt de bus comme rejoindre un lieu. Et ça fonctionne avec 4 touches essentiellement. Donc, moi, ce que je peux en dire, c'est que moi, j'ai réussi à l'utiliser 10 minutes, mais j'étais assez fatiguée d'entendre tout ce qu'elle peut nous donner comme information uniquement par les oreilles. Alors, je précise que cette canne, comme beaucoup d'autres, sont achetées, mais vous n'avez pas de cours de locomotion. Soit, notamment, par exemple, avec la Rango, ce sont des tutos audio. Je précise par ailleurs, je vais vous donner un peu mon expérience personnelle. Moi, j'utilise la canne, la Tompous, avec des vibrations dans la main. Et j'avais testé aussi les cannes électroniques avec des casques. Alors, c'est un casque à conduction osseuse ou aérienne. Mais le problème, c'est que ça vous donne plein d'informations. Alors, entre les bips qui vous détectent les obstacles et puis les informations GPS, si vous êtes attiré par un bruit extérieur, vous n'êtes plus vraiment très attentif. Moi, ce que je retiens de toutes mes expériences, il vaut mieux utiliser une canne avec des vibrations parce que c'est pas le même sens. C'est pas Louis qui doit tout gérer, mais il y a également les vibrations qui permettent d'être focalisé sur autre chose. Bien, en attendant, donc l'émission va se terminer. C'est court. Trop court, parce que je pense que j'aurai plein de questions encore à vous poser. Je tiens vraiment à vous remercier, Catherine, Elisabeth, d'avoir accepté de venir de si loin, Voipy, Metz. Et bah, merci encore d'avoir vraiment si activement participé à l'émission concernant la locomotion et les cannes électroniques. Pour conclure, juste, est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui ne se sent pas bien avec la locomotion? Catherine? Pas hésiter à prendre contact avec les structures en place et à se renseigner. Pas hésiter à demander de l'aide. On est là pour ça aussi. Nous, que ça nous concerne ou pas, on réoriente les personnes vers les structures adaptées à leur cas particulier, donc qu'ils n'hésitent pas à prendre le maximum d'informations et puis à chacun d'aller à son rythme, un temps pour chaque chose. Elisabeth, vous étiez un peu dans ce cas, l'acceptation, ça ne vient pas tout seul? Non, ça ne vient pas tout seul, on est toujours un peu omnibulé par le regard des autres et par le fait que le handicap, ça donne une image diminuée. Mais on se rend compte aussi que si la canne, ça peut éloigner certaines personnes, dans la majorité des cas, en fait, on obtient de l'aide pour traverser. On sent quand même que les gens nous aident. Et puis, c'est aussi se protéger et protéger les autres. Et puis, de dire aussi qu'avec le temps, tout est possible, mais qu'il faut prendre le temps de répéter les gestes, de s'entraîner à monter, à descendre les escaliers. À persévérer, ça fonctionne toujours. Et puis, il y a plein d'associations qui peuvent entourer les déficients visuels en donnant plein d'astuces et un peu de chaleur pour continuer et persévérer dans le chemin et de l'acceptation et de la locomotion et de l'autonomie. Merci. Merci. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de « Il y a des choses à dire » animée par votre serviteur, Papy José. En attendant, à bientôt et surtout, portez-vous bien.